Un peu de culture, José. Un auditeur m'a fait parvenir le cahier de révision de grammaire troisième année. S'il y a des auditeurs qui ont vu passer ça, appelez-moi. Mais merci à celui qui m'a envoyé ça. Regardez où on en est rendu. Je ne sais pas comment appeler ce phénomène-là. Aidez-moi, garde, si vous avez un nom. Je vais me contenter de vous lire ça. Ajoute les virgules manquantes dans les énumérations suivantes. Ça, c'est un cahier de classe, troisième année. Ça, c'est au Québec, là. A. Alors, c'est une phrase, puis là, tu vois que, garde, l'enfant a effectivement mis les virgules aux bonnes places. Notre équipe jouera contre Amaya, Jamal, Soraya et Noah. Deuxième phrase. En Afrique, on joue vite, joyeusement et spontanément. En guise de pion pour jouer à l'awalé, tu peux utiliser des graines ou des coquillages. Premier exercice. C'est au Québec, là. Je l'étudie. C'est au Québec. Deuxième, les pronoms de conjugaison. Je sais même pas c'est quoi ça. Arrête de la misère. Moi, si j'avais des enfants, les pronoms de conjugaison, en tout cas. Dans les phrases suivantes, on entoure les pronoms. Je m'appelle Fitor et j'ai 11 ans. Deuxième phrase. Avec mes amis, on aime beaucoup jouer au jeu des pierres. Au Québec, là. C'est bon, au Québec. C'est bon. Le vieux monsieur qui fabrique les toupies s'appelle Miedin. Tu aimeras comme moi le regarder fabriquer ses toupies sur une tour à bois. Ensuite de ça, troisième, là, c'est souligne les verbes en caractère gras. Alors, autour de son spectacle, Ayarak reste seul. Alors, voilà. C'est dans un cahier d'exercice, grammaire, troisième année. Le hockey, non? Au lieu du jeu de pierre, la wallée, africain. Ballon chasseur. Souviens pas de ça? Un cachette. Moi, j'ai la liste des noms les plus populaires au Québec. J'ai pas vu ceux-là dans ma liste de prénoms, mais en tout cas. Mais c'est correct. Amaya, Jamal, Soraya, Noah, Miedin, Fitar. En passant, c'est pas évident pour les jeunes de troisième d'écrire ça, hein? Ayarak. Tu sais qu'il y a une couleur dans ces cahiers-là. Puis qu'à un moment donné, s'ils ont des exemples à donner, ben, c'était pas toujours des exemples de petits culs québécois, là, pure laine, qui sont en train de jouer au hockey ou au ballon chasseur. Moi, j'ai rien contre ça, là. À un moment donné, le Québec, c'est multiculturel, puis qu'on parle. Mais là, c'est parce que trop. On dirait qu'on, là, c'est rendu qu'on est gêné, là. On est gêné. Hey, on mettra pas de blanc. Donc, on mettra un petit blanc, un nom québécois. Stéphane, hey, ça fait raciste en maudit, hein. On va s'ouvrir sur le monde, puis on va, Ça donne un peuple qui est rendu honteux de ses racines, de ses origines et de son identité. Et qui, dès que, pour être in, ben là, c'est ça. L'auteur de ce cahier-là a décidé qu'il fallait mettre des noms comme ça. D'en mettre un peu, ben c'est comme à TV, c'est comme partout. Moi, à TV, je l'ai toujours dit, mettez les meilleurs. Si t'es un noir, mettez jaune. M'en fous, moi, je suis pas raciste. Mais je vois que des fois, eux font du racisme. Quand t'es pas raciste, ça veut dire que tu la regardes pas, la maudite couleur. Puis tu vois à TV une noire ou un noir, tu t'en fous. Moi, je prends le message, regarde, bonne, excellent. Mais eux la regardent, la couleur. Je sais, des fois, on voit ça un peu. Puis là, ils font exprès d'aller mettre, ah, ça prend, là, on va tasser les blancs. Ils le font au gouvernement. Au gouvernement, ils la regardent, ta couleur. Si t'es noir, ils font passer en premier. Ta couleur, ton sexe. Ouais, ils la regardent. Ils ne devraient jamais regarder ni le sexe, ni la couleur. Les prénoms d'enfants, on devrait pas regarder ça. On devrait y aller au hasard et écrire n'importe quoi. Puis de temps en temps, il y a un Noah puis un Jamala qui se ramasse là. C'est correct, ça me dérange pas. Mais tu vois qu'il y a une pensée derrière ça de une forme de discrimination. Hey, on va mettre des noms étrangers, là. Hein, ça va faire in. Vous êtes ben in. 7h15.